Bon après-midi à tous et merci d'être avec nous sur Isanganiro. Bienvenue à ce journal à langue française dont voici les principales articulations. 18 ordinateurs et d'autres accessoires ont pris feu dans la petite matinée de ce mercredi à la direction commerciale de la Régie des Eaux, plus précisément dans le service de facturation. Le directeur AI de la Régie des Eaux déplore une perte énorme des statistiques et invite leurs abonnés de se diriger dans d'autres bureaux pour s'approvisionner en unité cash power. Plus de 330 cas de 4 de trafic des êtres humains ont été recensés au cours des 8 derniers mois au Burundi, mais une centaine a été interceptée par la police. Le président de l'ONLCT, Weton Frère, s'indigne de la continuité de ce trafic. Grogne au sein des transporteurs en commun contre la nouvelle mesure de PMA de contrôle technique. Pour eux, il s'agit d'une décision qui ne tient pas compte de l'intérêt général de la population. Et dans le reportage d'aujourd'hui, nous irons dans la commune Gihanga de la province de Bubanza pour parler de la cohabitation politique entre différentes formations politiques. Jean de Dieu Ndaïsenga sur la mise en onde à la présentation. Vous êtes avec Placide Niamongere. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais dans les titres, 18 ordinateurs et leurs handlers sont partis en fumée dans la direction commerciale de la Régie des Eaux, plus précisément au niveau du service de facturation dans la petite matinée de ce mercredi. Selon le directeur ad intérim de la Régie des Eaux, l'incendie est apparu aux environs de 4h du matin et la police a pu intervenir à temps et sauver d'autres bureaux qui allaient subir le même sort. Désiré Senghiumva indique que la Régie des Eaux perd énormément les statistiques déjà collectées. Et une commission chargée d'enquête a été mise en place. Je vous prie de l'écouter. C'est depuis le matin qu'on a constaté qu'un bureau qui est chargé de collecter les données de la facturation s'est en train d'obliger. Et après, on a constaté qu'il y a quelques dégâts, plusieurs dégâts dans ce bureau. Nous perdons 18 ordinateurs, les accessoires, les imprimantes, les photocopieuses, tout ça. Mais pour le moment, la situation est maîtrisée, tout en s'appuyant avec les entités habilitées. Pour le moment, la situation est calme. Nous avons mis en place une commission chargée d'inventorier les dégâts qui ont eu lieu, ainsi que mettre en évidence la cause de cet incendie. Désiré Nsengiumva déplore néanmoins la mort d'une dame agent chargé d'encaissement qui a eu un accident de roulage et morte sur place lorsqu'elle se précipitait vers son travail pour sauver les trésoreries. Ce directeur ad intérim de la Régie des Eaux invite leurs abonnés d'aller chercher les unités cash power dans d'autres bureaux de la capitale Bujumbura avant que la situation se renormalise. Pour les abonnés, pour le moment, ici, nous ne pouvons pas continuer à travailler. Mais il faut quand même qu'ils puissent s'approvisionner dans les autres points de vente, notamment là à Kamenge, comme à Kanyosha aussi. En plus de cela, nous avons un partenariat avec un Payway. Ceux qui veulent de l'unité pourraient quand même s'approvisionner chez Payway aussi. Sur place, il n'y a pas un dégât immédiat, sauf que nous déplorons un cas d'un agent de la Régie des Eaux qui se précipitait vers le lieu qui a connu un accident mortel. C'était Désiré Nsengiumva, il est directeur ad intérim de la Régie des Eaux. Grogne chez les transporteurs en commun contre la mesure de hausse du prix du contrôle technique. Ceux qui se sont confiés à la Radio Sanganiro font savoir que de telles mesures ne tiennent pas compte de l'intérêt général de la population, car ils estiment travailler à perte. Ils demandent d'être consultés avant que de telles décisions soient prises. Suivez-le sur le micro-trottoir de la Radio Sanganiro. Une telle mesure ne nous satisfait pas du fait que l'argent est devenu rare. À considérer les versements et les prix des documents, les prix des pièces de rechange qui sont montées en flèche, tu te rends compte que tu travailles pour rien. Nous demandons qu'avant de revoir à la hausse les prix, que nous soyons mis au courant, qu'ils examinent l'argent qu'ils reçoivent et l'intérêt que ça nous apporte nous aussi. De notre côté, nous ne pouvons pas revoir les prix de transport à la hausse, mais nous nous disons que le gouvernement est passé outre nos droits. Ça ne nous fait pas avancer, nous travaillons à perte. Tout ce que nous pouvons dire, nous ne changeons rien et augmentons les prix sans nous consulter. Mais nous n'avons pas le droit de demander pourquoi. Quand tu vas payer, on te dit tu vas payer un tel montant et tu es dans l'obligation de payer. Au cas contraire, les policiers chargés de la circulation routière vous arrêtent et vous ne pouvez pas avancer le motif de hausse de prix. Ce qui peut être fait, ce qu'on nous dise, à tel jour, un tel document, son prix sera revu à la hausse d'un tel montant et la raison de la hausse pour un tel intérêt et ainsi trouver une solution consensuelle qui montre le bien fondé et l'intérêt des uns et des autres. Que toutes les décisions à prendre viennent pour le bien-être du peuple, car la plupart des fois, c'est le citoyen qui en paie le coût. Bien qu'il travaille, il travaille à perte. On se rend compte que de telles décisions vont à l'encontre des intérêts de la population. Et au niveau du ministère des Transports, l'on promet de s'exprimer ultérieurement. Une courte pause et puis on va parler du trafic des êtres humains. Isanganiro. À 13h03 sur Isanganiro, 338 personnes ont été victimes du trafic humain au Burundi depuis janvier jusqu'au mois d'août 2017. Cela est dit par Primé Mbarwukeye, président de l'ONLCT Weto Frères. Il indique que 134 personnes par ces victimes ont pu être interceptées par la police. Le chef de cette organisation est indigné de voir que le trafic humain continue alors que le monde célèbre ce 23 août, la journée internationale du souvenir des victimes de la traite négrière. De la traite négrière, qui relève de l'esclavage classique, l'humanité du 21e siècle a malheureusement viré vers la traite des personnes, aujourd'hui qualifiée d'esclavage moderne, dont les principales victimes sont les femmes et les enfants, à destination surtout des pays du Golfe arabe. Concernant le Burundi, depuis janvier jusqu'au mois d'août 2017, plus de 338 victimes sont tombées entre les mains des trafiquants, à destination surtout de l'Oman et de l'Arabie Saoudite, dont 134 parmi elles ont été interceptées sur le chemin du trafic et remises à leurs familles d'origine. L'ONLCT Où est ton frère demande de promouvoir une immigration de travail sûr, légal et équitable du Burundi vers le Golfe en renforçant la voie du recrutement éthique entre les deux régions, comme sera ressort des recommandations issues des assises qui se sont tenues très récemment à Nairobi en juillet dernier. Des lignes de longues files de véhicules et motos sont réapparues de nouveau sur les stations-service de la ville de Gitega, une situation qui va durer à peu près 3 jours. Ceux qui font du transport sur moto et véhicules menacent de hausser le ticket une fois la situation perdue. N'est-ce pas, Arthur Kavaouchi, depuis Gitega? Toutes les stations que compte la ville de Gitega croient uniquement être en possession du carburant de type essence. Comme mercredi, à notre passage vers 8h30 du matin, mais seulement 2 stations étaient en train de servir et sur l'autre, il y avait problème d'électricité et non pas de groupe électrogène. Cette situation a fait qu'il s'observe encore de longues files de véhicules et de motos sur les stations de la ville de Gitega il y a de cela 3 jours. Selon les taxis motards ainsi que les chauffeurs de véhicules de transport quittant la province de Gitega vers d'autres provinces, ça continue ainsi. Ils indiquent qu'ils vont revoir à la hausse le ticket de transport pour éviter de travailler à perte. Ceux qui font au travail de transport vont savoir qu'ils craignent une autre pénurie du carburant de type essence, comme ça s'est observé les mois passés. Comme ils le soulignent, ceux qui ont le ministère en charge de l'énergie et mines dans leurs attributions devraient suivre de près cette question pour éviter qu'il y ait spéculation de la part de certains propriétaires de stations et surtout de donner la lumière sur cette situation. Nous avons cherché à savoir ce que pensent les propriétaires des stations se trouvant dans la ville de Gitega sur cette carence du carburant de type essence, mais ils se sont gardés de tout commentaire. Arthur Kavaouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavaouchi. 9 écoles ont obtenu 0% dans le récent concours national édition 2017 sur l'ENEF. 8 se trouvent dans les directions communales de l'enseignement de la mairie de Bujumbura, alors qu'une autre est située en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura rurale. Mireille Kanyange nous parle de ces écoles. La direction de l'enseignement en commune urbaine de Nahangwa compte 5 écoles qui ont eu 0%. Il s'agit des écoles CEBU, CEPUB, École Emmaüs, ETEC et GIB. En commune urbaine de Moura, il s'agit des écoles USS School et LTNID. Du côté de la commune urbaine de Mukaza, le LTI Nahangwa a eu 0% dans ce concours. En plus des 8 écoles de la mairie de Bujumbura, le groupe scolaire Mayendeleo, situé en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura rurale, a eu 0%. Au responsable de ces 9 écoles, la ministre de l'Éducation, Janvier Andirahisha, demande la fermeture des portes. 9 écoles ont 0% de réussite. Je demande aux responsables de ces 9 écoles de fermer les portes de ces établissements scolaires. Lors de la conférence de presse de ce mardi, la ministre Ndirahisha a précisé que 49 écoles ont eu moins de 20%. La décision ne change pas, mais ajoute-t-elle, des éclaircissements pour des élèves de 7e et de 8e qui fréquentaient les 49 écoles seront fournis ultérieurement. Merci Mireille Kanyange Capsule Moiro, où environ 2 millions de plants d'arbres forestiers et d'agroforestiers sont prévus cette année pour être produits dans différentes pépinières en cours de préparation dans cette province de Moiro. Ces espèces vont être plantées au cours de la saison pluvieuse prochaine. Pour le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans cette province, l'absence de bailleurs de fonds qui appuient dans ce secteur est un handicap pour la réussite de cette activité. Laurent Ndikouli. Au cours de la campagne sylvicole en cours en province Moiro, les pépinières d'arbres agroforestiers et forestiers sont en train d'être préparées dans toutes les communes de cette province. Ces espèces d'arbres vont être plantées à partir du mois de novembre prochain. Le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBP en sigle en province Moiro, Jean Bosco Ndendekere, dit que l'année dernière, ce service avait prévu 1 million de plants. Cette année, il indique qu'on espère atteindre environ 2 millions de plants de ces arbres. Il précise que cela rentre dans le cadre de la 21e conférence de Paris, où l'État burundais s'est fixé l'objectif de planter dans le pays 8000 hectares d'arbres par an. Le responsable de l'OBP en province Moaro dit que cette province n'a pas de bailleurs de fonds qui appuient dans ce secteur, ce qui handicape la réussite de cette activité. Il souligne que pour y remédier, chaque commune s'est engagée à atteindre 50 hectares d'arbres plantés. Un autre défi en ces matières tient à l'insuffisance en personnel au niveau des communes dans le secteur de l'environnement et le manque de moyens de déplacement pour l'encadrement des travaux qui se déroulent dans toute la province. De Moaro, Laurent Dicurio, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Le reportage de ce mercredi nous conduit en commune Gihanga de la province de Bubanza pour parler de la cohabitation politique entre les membres des différents partis politiques. Selon certains politiciens de cette commune, seuls les partis Iprona et CNDD-FDD sont actifs sur le terrain. Ceux du Frodebu et de la coalition misère Yabarundi disent qu'ils n'exercent pas librement leurs activités politiques. Et le responsable du parti CNDD-FDD dans cette commune, lui, estime que la cohabitation avec les autres partis politiques est tout à fait bonne. Le reportage de Ben Yonguru, lu par Marie-Claire Kazenet. Nous sommes au chef-lieu de la commune de Gihanga, en province Bubanza, où nous nous sommes entretenus avec les leaders des différents partis politiques et sur leur cohabitation. Il n'y a pas d'affrontement entre les membres des partis politiques, mais l'espace politique est trop limité selon ceux des partis de l'opposition. Gaspard Ndaïsava est membre du comité exécutif du parti Frodebu dans cette province. Il dit que certains politiciens vivent la peur dans le ventre. En fait, la cohabitation n'est pas bonne parce que les membres du parti d'opposition ont peur parce qu'il y avait des slogans qui se lancent d'ici et là. Si on commence à dire ces slogans, vous vous sentez que vous êtes touché parce qu'à un certain moment, il y a des mots qui s'adressent directement aux membres de l'opposition. Parce que, par exemple, quand on dit « tout ça va messer », ça montre que vous êtes visé. Même son de cloche pour ceux de la coalition Amizero ya Barundi. Joseph Nitunga est de cette coalition pour le compte de l'Uprona. Pour lui, la situation semble calme, mais ils ne peuvent pas exercer aucune activité politique. Ça semble comme qu'il n'y a pas de problème, mais c'est la peur. Ça veut la peur de prononcer quelque chose, mais ce qu'on voit, c'est normal, mais pas normal. Avant, début 2015, il y avait peur, il y a des menaces, mais maintenant, avec la peur, on sautait. Donc vous n'avez pas le droit de faire d'autres rencontres. En réunion, nous faisons ça à grand schéma. Emmanuel Ngendabanga est le responsable du parti UPRONA. Il dit que seuls deux partis politiques apparaissent aujourd'hui sur le terrain politique. Pour lui, sa formation politique exerce librement ses activités. Aujourd'hui, nous observons une accalmie entre les membres des partis. Mais ce qui est observable ici en commune Gihang, c'est qu'il y a des partis qui semblent s'être éliminés parce qu'on observe sur le terrain trois partis, notamment le parti UPRONA, le CNDD-FDD, mais aussi la coalition Amizero y'Abarundi. Nous cohabitons pacifiquement. Par ailleurs, ce qui peut causer des difficultés, c'est le manque de dialogue. Nous asseyons ensemble, nous dialoguons. Moi, je vois que donc tout marche bien. Mais certains membres des partis d'opposition disent qu'ils ne sont pas ni associés dans les travaux communautaires, ni associés dans les réunions et se sentent exclus. Il y a des partis qui s'excluent eux-mêmes. Nous, dans le parti UPRONA, nous sommes toujours convoqués dans les travaux communautaires. Ceux qui disent alors qu'ils sont exclus, ce sont eux-mêmes qui s'excluent. À ce que je peux les interpeller, c'est que ce soit le dialogue entre l'administration, que ce soit le dialogue entre les différents membres des partis politiques. Ici à Gihanga, cela existe et j'encourage par ailleurs l'administration à continuer dans ce sens. Isaïe Ndayizeye, secrétaire du parti CNDD-FDD, de son côté, estime que sa formation politique mène de bonnes relations avec les autres. Il espère aussi que les prochaines élections seront paisibles. Ceux des autres partis politiques de l'opposition disent plutôt que la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne permettrait pas la tenue des élections crédibles et demandent plus de liberté dans l'exercice de leurs activités politiques. Marie-Claire Kazeneza, nous voilà au bon port, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que 18 ordinateurs, leurs accessoires ont pris feu dans la petite matinée de ce mercredi à la direction commerciale de la régie des eaux, plus précisément dans le service de facturation. Le directeur AI de la régie des eaux déplore une perte énorme des statistiques et oriente leurs abonnés de se diriger dans d'autres bureaux pour s'approvisionner en unité de cash power. Plus de 330 cas de trafic des êtres humains ont été recensés au cours des 8 derniers mois au Burundi, mais une centaine a été interceptée par la police. Le président de l'ONLCT, Weton Frère, s'indigne de la continuité de ce trafic et grogne au sein des transporteurs en commun contre la nouvelle mesure de PMA de contrôle technique. Pour eux, il s'agit d'une décision qui ne tient pas compte de l'intérêt général de la population. Et dans le reportage d'aujourd'hui, venez d'écouter la cohabitation politique entre différentes formations politiques. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Jean-Dodien Daïsenga pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Bonne journée à tous. Au revoir.